Il a voyagé toujours dans ces États, autant que ses guerres l'ont pu permettre. Mais il a voyagé en législateur et en physicien, examinant partout la nature, cherchant à la corriger ou à la perfectionner, sondant lui-même les profondeurs des fleuves et des mers, ordonnant des écluses, visitant des chantiers, faisant fouiller des mines, éprouvant les métaux, faisant lever des cartes exactes et y travaillant de sa main. Il a bâti, dans un lieu sauvage, la ville impériale de Pétersbourg, qui contient aujourd'hui 60 000 maisons, où s'est formée de nos jours une cour brillante, et où enfin on connaît les plaisirs délicats. Les sciences, qui ont été ailleurs le fruit tardif de tant de siècles, sont venues par ses soins, dans ses états, toutes perfectionnées. Il a créé une académie, sur le modèle des sociétés fameuses de Paris et de Londres. Cette académie subsiste encore, et il se forme enfin des philosophes moscovites. Il a forcé la jeune noblesse de ces États à voyager, à s'instruire, à rapporter en Russie la civilisation étrangère. J'ai vu de jeunes Russes pleins d'esprit et de connaissances. C'est ainsi qu'un seul homme a changé le plus grand empire du monde. Il est affreux qu'il ait manqué à ce réformateur des hommes la principale vertu, l'humanité. De la brutalité dans ses plaisirs, de la férocité dans ses mœurs, de la barbarie dans ses vengeances, se mêlaient à tant de vertus. Il polissait ses peuples et il était sauvage. Il a de ses propres mains été l'exécuteur de ses sentences sur des criminels. Et, dans une débauche de table, il a fait voir son adresse à couper des têtes. Il y a, dans l'Afrique, des souverains qui versent le sang de leurs sujets de leurs mains. Mais ces monarques passent pour des barbares. La mort d'un fils, qu'il fallait corriger ou déshériter, rendrait la mémoire de Pierre odieuse si le bien qu'il a fait à ses sujets ne faisait presque pardonner sa cruauté envers son propre sang.